Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour d'Hannah Arendt et de son livre « Les origines du totalitarisme ». Aujourd'hui, troisième épisode, « Comment le totalitarisme a-t-il tué l'État ?» Que devient l'État dans un système totalitaire? Que reste-t-il du peuple, de la nation et de la loi quand le totalitarisme infiltre la société dans ses moindres recoins? Car oui, le propre du pouvoir totalitaire n'est pas d'être centralisé entre les mains d'un seul chef, mais de s'exercer en permanence, pour tous et de manière exclusive. Alors comment s'exerce-t-il vraiment? Et quelle est la nature de ce pouvoir totalitaire? La parole est à O'Brien, La police de la pensée, dans 1984. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre? En le faisant souffrir. C'est exact. L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est infliger souffrance et humiliation. Autrement, rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Dans notre monde, il n'y aura plus que triomphe et abaissement. Tout le reste, nous le détruirons. Le passé est à jamais banni. Pourquoi? Simplement parce que si l'on coupe l'homme de son passé, alors on peut le couper de sa famille, de ses enfants, des autres hommes. Il n'y a aucune fidélité, excepté envers le parti. Il n'y a aucun amour, excepté pour Big Brother. Tous les plaisirs de l'émulation, nous les détruirons. Si vous voulez une image du futur, Winston, imaginez une botte qui piétine un visage humain à jamais. Bonjour Martine Lebovici. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes maître de conférence HDR émérite en philosophie politique à l'université Paris Diderot, Paris 7. Vous avez écrit récemment Le pervertissement totalitaire, c'était avec Anne-Marie Roviello, hein, sur la banalité du mal selon Hannah Arendt aux éditions Quimet. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Hannah Arendt, dont une biographie. Quel lien entretenez-vous avec Arendt? Un lien étroit, je dirais. Ouais. C'est-à-dire que... En fait, j'ai rencontré la pensée d'Arendt par l'intermédiaire de Miguel Abassour, qui, dans tout à fait un autre contexte, nous a fait un exposé sur la conception par Arendt de l'action politique. Et je me suis trouvée chez moi. Je me dis, voilà, elle formule des choses que j'aurais bien aimé pouvoir dire moi-même. Et j'ai commencé à tout lire, c'est-à-dire que je suis rentrée dedans... j'ai enchaîné livre sur livre, et puis petit à petit, il y a un thème que j'ai aimé travailler de plus près, c'est-à-dire l'expérience juive d'Hannah Arendt. Voilà. Et de là, c'est devenu peut-être une éducatrice pour moi, quelque chose comme ça. Oui. Cette semaine, nous parlons des origines du totalitarisme. Le texte d'Hannah Arendt qu'elle a commencé à rédiger après la Seconde Guerre mondiale, hein, paru en 51, nous avons parlé de l'État totalitaire lundi dernier, on a parlé du chapitre sur l'antisémitisme hier, aujourd'hui en particulier du chapitre sur l'impérialisme et les liens entre l'analyse qu'elle propose de l'État et de la bureaucratie comme ferment du totalitarisme. Mais d'abord, pour essayer de bien comprendre en ce début d'émission ce qu'Hannah Arendt entend par système totalitaire, est-ce que l'image du Big Brother dans 1984 d'Orwell est une bonne façon d'illustrer, d'incarner ce qu'est un système totalitaire selon Arendt? Alors déjà, l'expression système totalitaire, c'était la traduction qui avait été donnée dans la première traduction en français de la troisième partie des origines du totalitarisme. Mais en réalité, et ça a été corrigé dans la nouvelle édition chez Quarto, en réalité, le livre s'appelle Le totalitarisme. Et d'une certaine manière... Le mot système n'apparaît pas, je crois, dans le livre. On parlera plutôt de régime totalitaire, c'est-à-dire d'organisation du pouvoir spécifique qui est pour Arendt un régime nouveau qu'elle essaye de cerner au travers d'un mode d'analyse qui va être à la fois axé sur des documents et sur des livres d'histoire, de théorie politique, mais aussi sur des éléments de littérature, de manière à essayer d'élaborer ce qu'il en est de ce nouveau type de régime nouveau dans l'histoire des régimes de domination, mmh. et qui va être donné par elle comme un régime qui cherche la domination totale. C'est exactement ce qui se passe dans 1984. Exactement, oui, c'est vrai que cet extrait que vous avez donné, et on pourrait retrouver dans les origines totalitarisme un certain nombre de formulations. Par exemple, cette image extraordinaire de la botte, c'est une botte qui piétine un visage humain, c'est ça le totalitarisme, effectivement. C'est-à-dire que l'homme est devenu superflu et devient un exemplaire interchangeable dans un mouvement où les humains sont pressés les uns sur les autres, sans espace entre eux, pour réaliser une loi de mouvement qui ne se fait et qui ne s'accélère que par l'élimination de ceux qui sont donnés comme l'empêchant. Alors voilà, dans le nazisme, ce sont pour essentiellement les juifs, hein, et dans le stalinisme, d'une certaine façon, bizarrement, est peut-être plus totalitaire que le nazisme selon Arendt, parce que l'ennemi objectif est constamment inventé par le stalinisme. C'est-à-dire, c'est à un moment, ce sont les Koulaks, après, c'est les trotskistes, après, ce sont d'autres. Mais à chaque fois, on invente une catégorie qui va venir s'abattre sur les populations, alors que d'une certaine façon, l'antisémitisme est repris de l'antisémitisme qui est présent dans la société, quoi. Alors, pour bien comprendre la structure du gouvernement et l'organisation totalitaire, il faut s'arrêter sur la notion même d'État, ce que fait Hannah Arendt, et surtout dans le deuxième chapitre de son livre « Aux origines du totalitarisme » qui s'appelle « L'impérialisme ». Peut-être d'abord une image pour bien comprendre ce que signifie l'organisation totalitaire. On la trouve dans « La crise de la culture ». Arendt décrit l'organisation totalitaire comme correspondant au modèle de l'oignon. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un pouvoir au-dessus de tout le monde qui, de manière verticale et pyramidale, va diriger la vie de chacun. C'est chacun qui est pris dans un cercle concentrique, qui lui-même est pris dans un autre cercle concentrique, si bien que le pouvoir est absolument partout. C'est ça qui est terrifiant. Oui. Je crois que ce qui est tout à fait passionnant chez Arendt, sur la notion même de totalitarisme, c'est qu'elle met en question deux idées toutes faites, d'une certaine manière, que l'on a et que certains continuent à avoir des régimes totalitaires. La première, c'est l'idée que dans le totalitarisme, on a affaire à un tout politique. C'est-à-dire, ce serait la politisation absolue de toute la société. Or, justement, la thèse d'Arendt, c'est que ça n'est pas ça. C'est au contraire une destruction, non seulement de la politique, mais des conditions mêmes sans lesquelles il n'y a pas politique. Et cette condition, c'est ce qu'elle appelle la spontanéité, c'est-à-dire la capacité humaine de commencer quelque chose de nouveau. C'est cette spontanéité-là qui ne va pas s'agir de limiter seulement, comme dans la tyrannie, mais il va s'agir de l'éradiquer de façon à ce qu'elle... ça ne se passe pas exactement toujours comme ça dans la réalité, mais en tout cas, c'est l'intention totalitaire. Mmh. Et donc, ça n'est pas un régime du tout politique, mais c'est au contraire un régime qui détruit, comme je viens de dire, la condition même pour qu'il y ait de la politique, c'est-à-dire de l'action. Et la deuxième idée toute faite que l'on a souvent sur le totalitarisme, comme vous venez de le dire, c'est qu'il s'agit d'un État tout-puissant qui dirige d'en haut toute la société par l'intermédiaire d'une bureaucratie hiérarchisée qui fonctionne par des ordres donnés de haut en bas. La bureaucratie est un élément indispensable du totalitarisme ? Alors, un moyen ? En tout cas, Arendt parle en fait d'abord d'organisation, autant que de bureaucratie. Et d'une certaine manière, dans les origines, le mot bureaucratie désigne plusieurs types d'exercice du pouvoir. Hein. Mais c'est essentiellement... c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une domination sur des masses... dont on limiterait l'action, mais c'est une organisation des masses, c'est-à-dire des humains qui sont isolés les uns des autres, dont on détruit toutes les relations sociales spontanées, justement les amitiés, les amours, même la structure de classe d'une certaine façon. Et il s'agit de mettre en mouvement par une organisation. Alors la structure en oignon, c'est une organisation. C'est une organisation que l'on retrouve d'ailleurs d'une certaine façon dans les mouvements d'obédience communiste du temps de Staline et peut-être après, et dans le nazisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de dissocier progressivement de plus en plus de couches de personnes du monde non totalitaire, qu'elle appelle le monde normal. Alors vous avez tout d'abord, à l'extérieur de l'oignon, vous avez ce qu'on appelle les organisations de façade. C'est-à-dire, par exemple, les jeunesses hitlériennes, eh bien, on va faire rentrer des jeunes, pas spécialement d'abord pour leur faire faire de la politique, mais pour leur faire faire des camps de vacances, du sport, etc. Et puis, à l'intérieur, vous avez des moniteurs, disons, et là, il y a un certain nombre de moniteurs qui sont un peu différents du reste, mais qui vont être inscrits, disons, au parti. Donc, ils sont un peu plus loin du monde normal, du monde extérieur, et un peu détachés des jeunes. Et puis, cette couche du parti va elle-même être dissociée par une couche plus intérieure, qui va être, par exemple, pour aller vite, les SS. Et les SS eux-mêmes vont être divisés en tout un ensemble d'organismes dont certains vont être de plus en plus proches du centre, qui est le chef, c'est-à-dire pour le nazisme Hitler, qui lui, en fait, n'est en contact direct qu'avec sa garde rapprochée. Et chaque couche va être de plus en plus éloignée du monde normal. Ça veut dire que ces gens qui vivent entre eux d'une certaine manière, eh bien, ils sont dans une espèce de fiction qui va mettre en mouvement toute la société. C'est ce que dit Arendt. Elle dit le grand avantage de ce système est que le mouvement fournit à chacune de ses couches, même dans le cadre d'un régime totalitaire, la fiction d'un monde normal en même temps que la conscience d'être différent de ce monde est plus radicale que lui. La structure en oignon permet au système d'être, par son organisation, à l'épreuve du choc dont le menace la factualité. Exactement. C'est un monde de fiction. C'est un monde au sens le plus dystopique et le plus terrible c'est du terme. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui devient de plus en plus éloigné, ce sont les faits. Et tout est constamment réorganisé en fonction d'un les faits cachent toujours quelque chose, et ceux qui savent ce qui est caché, évidemment, ce sont ceux qui sont le plus proches du centre. Quoi. Alors, comment éloigner au maximum chaque citoyen, si on peut encore appeler ça un citoyen, dans un pays totalitaire, du réel? Comment entasser les couches successivement de manière à ce que le processus d'atteinte du quelque chose qui ressemblerait à du réel soit le plus difficile possible? C'est à ça que sert notamment la bureaucratie. On peut penser par exemple à cet exemple. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère, nous voulons le laisser passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser passer A38. Le laisser passer A38. Ah, ne criez pas, Ah, voilà des manières. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan, au sixième étage, et refermez la porte. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Le guichet 2! Allons, un peu de calme. Elle a acheté du tissu à un marchand phénicien, Parce qu'elle veut refaire son cubiculum. Et mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son meilleur. Mademoiselle! Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laisser passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Et vous pouvez vous adresser au guichet 35? Guichet 12, deuxième étage, escalier B. Formulaire jaune, guichet 7, cinquième étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, sixième étage, escalier P, couloir T. Assez! Et oui, ici c'est Astérix qui, enfin l'album Astérix et les 12 travaux qui illustrent l'absurdité du système bureaucratique. Derrière l'aspect comique de cet extrait, il dure 10 minutes hein, dans le film, on n'a gardé qu'une minute 30. Il y a quelque chose qui est dit, c'est que vraiment en fait tout est fait pour éloigner au maximum celui qui veut un formulaire de ce formulaire-là. Et c'est cet éloignement qui est significatif, Martine Lebovici. Oui, c'est-à-dire que y a un phénomène très caractéristique de la bureaucratie totalitaire telle que Arendt l'a décrit. Parce qu'en même temps, voilà, qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit bureaucratie, hein ? C'est-à-dire que on a, encore une fois, l'idée, disons, de la bureaucratie telle que Max Weber nous l'a élaborée, c'est-à-dire effectivement un système avec des fonctionnaires qui sont dévoués à l'État, qui sont eux-mêmes en position hiérarchisée, avec des degrés de gens qui donnent des ordres à d'autres, et d'une certaine manière, effectivement, le fonctionnaire, il est aussi, il est orienté vers une espèce d'idée du bien public, et il a des règlements qu'il applique et qui eux-mêmes sont issus de lois. Alors. Les règlements, alors effectivement, les règlements peuvent paraître absurdes, mais la plupart du temps, ces règlements sont aussi écrits. Et les bureaucrates, justement, se réfèrent toujours à des textes, hein, alors qui sont des règlements issus de lois, mais qui ne sont pas eux-mêmes des lois, puisque le règlement, à la différence de la loi, s'applique à quelque chose de particulier. Donc, effectivement, par exemple, dans votre exemple, voilà, j'ai besoin d'aller à tel endroit, j'ai besoin d'un formulaire, etc. Mais alors, ce qui se passe, disons, dans une bureaucratie, je dirais, ordinaire, lorsqu'elle est elle-même intégrée dans ce qu'on pourrait appeler très rapidement un état de droit, ou un état tout court, d'ailleurs, plus exactement, eh bien, c'est qu'il y a une certaine stabilité, hein, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des règlements déterminés, etc. Mais ce qui est caractéristique de l'organisation bureaucratique de la société totalitaire et en particulier du nazisme, c'est que c'est une bureaucratie qui est complètement instable. C'est-à-dire qui fonctionne de telle manière que les citoyens, ou les si on peut encore une fois, si on peut parler de citoyens, bon, mais en tout cas, on va dire citoyens pour aller vite, des régimes totalitaires sont constamment mis dans une situation où ils perdent leurs repères. Même justement quand ils veulent aller chercher tel ou tel formulaire. Alors il y a plusieurs. Donc c'est, la bureaucratie est un outil entre les mains du pouvoir pour déboussoler, perdre les citoyens. Exactement. C'est-à-dire que le système totalitaire, Arendt dit, c'est une informité organisée. C'est-à-dire que comme il s'agit surtout d'éviter une stabilisation, parce que le mouvement doit toujours aller de l'avant. Et une bureaucratie est un élément de stabilisation, tout comme un État est un élément de stabilisation. Alors, elle montre qu'il y a deux processus d'instabilisation bureaucratique. Le premier, c'est un dédoublement des services. Mm-hmm. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, quand les nazis arrivent au pouvoir, il y a un certain nombre de provinces, il y a un certain nombre d'États qui sont hérités de la, disons, de l'Allemagne, même de l'Allemagne impériale et même que l'Allemagne de Weimar a gardé. Alors, on installe en parallèle avec les États, par exemple, imaginez, je ne sais pas moi, la région Île-de-France, hein, alors il y aurait en parallèle ce que les Allemands appellent des Gaue, c'est-à-dire des districts purement nazis, d'une certaine manière, qui déterminent une organisation territoriale, mais qui ne va pas être exactement dans les mêmes frontières que les États ou que les provinces héritées. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'un papier pour, je sais pas moi, pour circuler, alors il va par exemple s'adresser à la province. Bon, mais on va lui dire, ah ben non, mais c'est pas là qu'il faut aller, il faut aller. Mais c'est ce qui se passe dans l'exemple d'Astérix qu'on a entendu, c'est exactement ça. Voilà. Alors ça, c'est le dédoublement des services. Mmh. Et puis il y a d'autre part aussi la multiplication des services. C'est-à-dire que, et ça d'ailleurs, Orwell le montre très bien, quoi. Dans 1984. Il y a pour toutes sortes de choses, il y a une création de services. Et ces services ont aussi la caractéristique d'être constamment mis en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que dans une hiérarchie bureaucratique ordinaire, un directeur de service sait très exactement qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, s'il a un pouvoir ou s'il n'en a pas et jusqu'où il va. Là, quelqu'un va par exemple avoir un pouvoir, mais il ne va pas savoir qu'il y a un autre service qui a été mis en place qui en fait a le pouvoir, si tant est qu'à ce moment-là, la volonté du chef va décider que celui-là, c'est pas lui qui va avoir le pouvoir, c'est un autre, mais sans que le premier soit prévenu qu'il n'a plus le pouvoir. Et donc, effectivement, ça met tout le monde dans une instabilité et aussi dans une concurrence de chaque bureau, les uns par rapport aux autres. Le point important que soulève Arendt, donc on est dans le chapitre l'impérialisme, hein, dans les origines du totalitarisme, et le sous-chapitre race et bureaucratie, puisqu'on y viendra peut-être, mais la race est aussi un concept clé entre les mains de l'État lorsqu'il devient impérialiste et qui, selon Arendt, prépare, déjà fait le lit de ce qui deviendra le totalitarisme, c'est que la bureaucratie va progressivement se distinguer de la loi. Et ce décalage, cet écart entre la bureaucratie d'un côté et la loi de l'autre est le premier pas vers l'effondrement de ce qu'on peut appeler l'État, ce qui fait que dans une organisation totalitaire, l'État même n'existe plus. Écoutons l'extrait de ce texte lu par la comédienne Hélène Losseur. Les bureaucrates de la force d'expansion ne se sentaient aucune obligation envers les lois faites par l'homme. La seule loi à laquelle ils obéissaient était la loi de l'expansion. Et la seule marque de leur légitimité était le succès. Ils devaient être parfaitement prêts à disparaître dans le plus total oubli dès l'instant où leur échec était avéré, si, pour une raison ou une autre, ils avaient cessé d'être des instruments d'une valeur incomparable. Tant que le succès leur souriait, le sentiment d'incarner des forces plus importantes qu'eux-mêmes leur rendait relativement facile de renoncer à la louange et à la gloire, et même de mépriser celle-ci. Ils étaient des monstres de dissimulation dans leur succès et des monstres de modestie dans leurs échecs. À la base de la bureaucratie et des décrets temporaires et changeants qu'elle substitue à la loi, repose la croyance superstitieuse en la possibilité d'une identification magique de l'homme aux forces de l'histoire. Ainsi, le bureaucrate fuit-il toute loi générale, affrontant chaque situation une à une par décret. Car la stabilité fondamentale d'une loi menacerait d'établir une communauté permanente dans laquelle nul ne saurait être un dieu, puisque tout un chacun doit obéir à la loi. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Hannah Arendt cette semaine et ce monde où la bureaucratie se substitue à l'activité politique en faisant disparaître les institutions au profit d'une structure administrative. C'est celui qu'elle dépeint dans les origines du totalitarisme qui nous accompagne cette semaine. Cet extrait, Martine Lebovici, est donc tiré du deuxième chapitre du livre qui s'appelle L'impérialisme et dans lequel elle décrit ce qui, dans l'évolution de l'histoire même de l'État, a pu conduire au totalitarisme. Il est important de garder en tête que là, quand elle parle des bureaucrates, elle parle au passé parce qu'elle parle des bureaucrates qui étaient au service de l'État impérialiste. Parce que pour elle, le colonialisme a conduit aux États totalitaires dont elle est contemporaine. Alors, je ne dirais pas exactement les choses comme ça. Hein, parce que si on présente les choses comme ça, on donne l'impression que il y a une espèce d'enchaînement nécessaire, hein, où voilà, il se serait passé des choses dans l'impérialisme et le colonialisme qui auraient mené au totalitarisme. Or, la façon dont Arendt traite l'histoire est toujours une façon discontinue. C'est-à-dire que elle ne, justement, ce qu'elle, c'est ça c'est la très grande complexité de l'écriture de ce livre, c'est qu'à la fois elle recherche prenant les choses une fois qu'elles sont arrivées, c'est-à-dire une fois l'événement totalitaire arrivé, elle recherche d'où ça vient, évidemment. Mais elle va défaire la totalité, précisément. Alors que ça se présente comme une totalité tout à fait organisée, elle va défaire la totalité, prendre des éléments de cette totalité pour essayer de comprendre d'où ils viennent. Mais tous les éléments ne viennent pas en même temps pour donner le totalitarisme. Oui, il n'y a pas une causalité guidée par une fin, il n'y a pas de nécessité historique qui a conduit à ça. Ce qui fait que il va y avoir une espèce de destruction, disons, de la tradition politique occidentale, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit, par différents biais, hein, différents biais qui, et ces destructions vont rendre l'État-nation incapable de fournir une réponse à ces problèmes. Et là, effectivement, les mouvements totalitaires vont venir prendre le devant de la scène. Et donc, si vous voulez, elle va retrouver, mais sans qu'il y ait de lien nécessairement entre eux, une dissociation d'administration, de certaines administrations, par rapport aux institutions étatiques, disons. Hein. Elle va le trouver dans ce qu'elle appelle l'impérialisme colonial, sur lequel donc vous avez lu un extrait. Elle va le retrouver dans l'impérialisme continental. Et elle va le retrouver dans la désintégration de l'État-nation liée à l'afflux des apatrides dans ces États. À chaque fois, si vous voulez, il faut peut-être revenir sur ce que c'est qu'un État. Hein. Un État, quand Arendt parle d'État-nation, c'est comme si c'était un composite. C'est-à-dire, et d'ailleurs ça me frappe parce que Foucault aussi dit quelque part que l'État n'est peut-être qu'un composite lui-même. C'est-à-dire l'État-nation est fait de deux lignes historiques qui se sont rejointes. La première, c'est celle qui vient des monarchies absolues, c'est-à-dire un processus de centralisation qui a fait de l'État l'institution juridique la plus haute dans une société. Et de l'autre côté, la nation, hein, qui est un lien qui vient rassembler des hommes quand les monarques ne sont plus eux les rassembleurs. Mais l'État et la nation vont venir comme ça coller, d'accord ? Et l'État, il a des institutions, hein, il a une administration, il a aussi des moyens de violence et il a une instance qui fait la loi. Alors, le côté administration, le côté organisation directe des populations va, dans certaines circonstances, se détacher du côté formaliste de l'État qui fait la loi. Alors, dans l'impérialisme colonial, effectivement, qui, en fait, a une dynamique économique, hein, c'est-à-dire que c'est cette expansion motivée par le besoin d'exporter des capitaux qui va s'investir à l'étranger, dans des régions non encore soumises au système capitaliste. Et ça, c'est les idées de Rosa Luxembourg. Et ce qui va se passer, c'est que les détenteurs de capital, qui orientent vers l'expansion pour elles-mêmes, vont obtenir des gouvernements qu'ils protègent leurs investissements. Et ça, c'est quelque chose qui se passe à la fin du 19e siècle. Et donc, comme ils sont à l'extérieur de la métropole, d'une certaine manière, ce qu'ils vont demander à l'État, c'est qu'il puisse disposer d'instruments de violence, hein, qui vont être à leur disposition et séparés d'un certain contrôle qui vient généralement dans la métropole, là où la loi, en tout cas une certaine loi, continue d'avoir lieu. Et là, il va s'établir une espèce de nouveau corps politique, dit Arendt, qui n'a pas d'autre principe que l'expansion et qui surtout se comporte vis-à-vis des populations colonisées comme si c'était des gens qui n'étaient pas d'une même nature qu'eux. Et d'où effectivement le racisme. L'importance du concept de race. Voilà, le racisme et accompagne le développement, de l'impérialisme. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les institutions nationales sont distinctes de l'administration coloniale. Et donc, les administrations vont devenir, dit Arendt, des fonctionnaires de la violence, dans les colonies, si vous voulez. Et elle va élaborer ce qu'elle appelle ici un caractère bureaucratique dont Lord Cromer est une espèce de paradigme, caractère bureaucratique de l'administrateur colonial. Mais on voit bien que ce n'est pas exactement la bureaucratie, l'administrateur colonial n'est pas exactement un bureaucrate comme sera Eichmann par exemple. Hein, parce que c'est un certain type de bureaucratie, mais dans lequel on reconnaît quand même un certain nombre de caractéristiques qui, dans un autre contexte, va se retrouver aussi, mais sans qu'il y ait de filiation. En fait, elle qualifie les fonctionnaires coloniaux de véritables pourfendeurs de dragons qui partirent enthousiastes vers des terres lointaines et curieuses, aux peuples étranges et naïfs, et finalement elle les présente comme des parangons de vertu qui ont pour seule ambition l'accomplissement de leurs devoirs. C'est ça, c'est-à-dire que Lord Cromer... Qui est Lord Cromer ? Lord Cromer, c'était le consul général britannique en Égypte de 1885 à 1907. Alors, il y a plusieurs personnages comme ça impérialistes. Il y a Lord Cromer, il y a Cecil Rhodes, et puis Lawrence d'Arabie, mais qui est un petit peu à part. Mais celui-là, effectivement, comme il ne se considère pas de la même espèce que les humains colonisés, eh bien, il a un espèce de détachement, une insensibilité qui va le faire agir à partir de cette absence d'empathie par rapport à ceux qu'il domine. Hein. Mais aussi, il se sent à l'abri du contrôle des institutions publiques que sont, en métropole, les parlements, la presse et les ministères. Donc, alors, pour être bien sûr de vous comprendre et puis voir le parallèle, vous avez prononcé le nom d'Eichmann et Arendt a écrit Eichmann à Jérusalem, où elle a assisté au procès d'Eichmann, qui était un exécutant nazi, c'est comme ça qu'il se présentait, au moment de l'extermination des Juifs. Est-ce qu'il faut dire que la bureaucratie est à la fois un moyen pour le pouvoir de se répandre au maximum sans que les citoyens s'en rendent compte, et en même temps une manière pour ces exécutants ou les fonctionnaires coloniaux en l'occurrence de se cacher aussi derrière elle? Alors justement, Arendt, il y a une ambivalence de la bureaucratie. Arendt nous met toujours en garde contre les analogies trop rapides. Hein. C'est-à-dire là, déjà, on voit que pour ce qui est d'un Lord Cromer, hein, quand elle dit pour l'administrateur colonial, il y a un danger, toutes les institutions démocratiques sont un danger pour lui, pour eux. Les parlements, la presse, les institutions publiques. Eh bien, ça veut dire qu'il y a encore quelque part dans ce monde-là des principes qui sont portés par ces institutions publiques. Alors que, effectivement, ces impérialistes voudraient s'en débarrasser de ces principes. Et d'une certaine manière, leurs pratiques font qu'ils s'en débarrassent. La différence avec un Eichmann, c'est que ces principes n'ont plus cours du tout dans le régime totalitaire. C'est-à-dire que ce qui garantissait d'une certaine manière encore que l'on puisse évoquer des principes d'égalité devant la loi, etc., tout cela est complètement bazardé. Oui, pourtant Eichmann invoque la loi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que reste-t-il de la loi dans la bureaucratie, et quand Eichmann... D'accord. Alors, je vous propose, pour qu'on précise de quoi on parle, on va écouter comment Arendt parle d'Eichmann. D'accord. Et vous verrez comment la loi surgit à ce moment-là de manière peut-être surprenante, parce que justement, vous l'avez dit, qu'il ne reste plus de loi dans l'État totalitaire. Entendu. Voici un très court extrait du film de Margaret von Trotta sur Hannah Arendt, et ensuite la voix d'Arendt elle-même qui parle d'Eichmann, c'est en 63. Eichmann n'est pas un antisémite, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie maintenant? Tu l'as entendu toi-même, il n'a fait qu'obéir à la loi. Il aurait obéi à n'importe quelle loi. Enfin, voyons, ceux qui adhéraient au Parti National Socialiste, surtout en tant qu'SS, étaient bien entendu d'épouvantables antisémites. Il jure qu'il n'a personnellement jamais blessé un seul juif. Ça nous fait une belle jambe. Wir stellen uns doch unter einem Verbrecher jemanden vor mit verbrecherischen Motiven. Normalement, un criminel, c'est quelqu'un qui a des mobiles criminels. Mais Eichmann n'avait absolument aucun mobile criminel. Du moins ce qu'on entend habituellement par ces termes. Dans son cas, les concepts habituels ne nous sont d'aucune aide. Je dirais qu'assassiner des gens sans quitter son bureau, assassiner en masse, c'est l'acte d'un type d'homme atroce, ignoble, qu'on ne peut pas comparer à n'importe quel meurtrier parce qu'il n'a plus aucun rapport avec ses victimes. Il les tue vraiment comme des mouches. Ici, c'est une machine qui tourne à vide. Un pur fonctionnement. Et le désir de participer à ce type de fonctionnement était très évident chez Eichmann. Je ne pense pas qu'il était particulièrement avide de pouvoir. C'était plutôt le fonctionnaire typique. Et un fonctionnaire, quand il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un de très dangereux. Ce n'était pas vraiment chez lui une question d'idéologie. Cette phrase est terrible, hein, Martine Lemovici, un fonctionnaire quand il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire est quelqu'un de très dangereux. Réduit à sa fonction même, ça devient dangereux. Oui, mais je crois que là, Arendt est dans une émission de radio. C'est ça. Et donc elle va vite par rapport... Radio Berlin même, ouais. Voilà, par rapport à la complexité de ce qu'elle travaille dans Eichmann à Jérusalem dans le livre. C'est-à-dire que, effectivement, c'est très important cette affaire de la loi... à laquelle Eichmann se réfère. Il dit « Moi, j'obéis à la loi beaucoup plus qu'aux ordres. » Voilà, pour justifier ces actes qui étaient d'avoir permis l'exécution de millions de Juifs, il dit « J'obéis à la loi. » C'est cela. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il entend par loi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi pour Eichmann dans le régime totalitaire? Et ça, c'est quelque chose que Arendt travaille et dans les origines totalitaristes, et dans les origines, et dans Eichmann à Jérusalem. C'est-à-dire que il y a trois critères qui permettent de repérer le maintien de ce qu'on peut appeler une dimension de la loi dans une société. Premier critère, c'est que les normes du bien et du mal, les critères moraux de justice reconnus par une société, sont indépendants des lois positives. C'est-à-dire que les lois sont particulières, c'est-à-dire qu'une loi n'est pas un énoncé universel sur la loi de ceci ou de cela, et elle se réfère à des critères qui sont généralement distincts. C'est pas la loi elle-même qui donne ces critères. La loi n'est pas morale. La loi n'est pas là. Il y a une différence entre la loi et le bien. Exactement, et le mal. Exactement. La deuxième chose, c'est que les lois politiques, sans être éternelles, sont douées d'une certaine stabilité, plus grande que les gouvernements eux-mêmes, d'une certaine manière. Hein. Donc, ou même par rapport aux faits, les lois ont une certaine stabilité et d'autre part, elles ont un certain degré de généralité aussi, par rapport aux décrets précisément. Bon, alors, ce que le nazisme entend par loi, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la loi, très explicitement, c'est la volonté du Führer. Hein? Et l'autre chose aussi, c'est que généralement, les lois sont écrites. Hein? Ici... Généralement, donc, pas dans le cadre d'organisation totalitaire. Pas dans le cadre totalitaire. Et donc, quand Eichmann dit « Moi, j'obéis à la loi et non pas aux ordres », ça veut dire que pour lui, je suis en contact... permanent, d'une certaine manière, dans une espèce de relation qui ne passe pas par l'énoncé d'une loi. Je suis en contact avec ce que veut le Führer. Et ce que veut le Führer n'est pas écrit. Ça veut dire que les organisateurs des massacres ou les bureaucrates nazis ne fonctionnent pas avec des ordres, d'une certaine façon. Bien sûr qu'il y a des ordres, mais d'une certaine manière, ce qu'on attend d'eux est implicite. Alors, ce n'est pas d'obéir aux ordres, c'est de respecter les désirs presque du Führer. La volonté, c'est sa voix. C'est psychologique quasiment, en fait, du coup. C'est une sorte d'identification au Führer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire que Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est faite l'extermination des Juifs, et c'est exactement ce que décrit Raoul Hilberg, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de texte disant très très explicitement voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu des paroles de Hitler qui ont été répercutées par les biais de cette fameuse structure en oignon et qui est arrivée à un certain moment à ceux qui devaient organiser les choses. Dites-nous qui est Raoul Hilberg. Raoul Hilberg, c'est l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe ». Et en même temps, Raoul Hilberg a aussi été l'élève de Franz Neumann, auquel Arendt se réfère dans les origines du totalitarisme, justement pour expliquer qu'on ne peut pas parler d'État totalitaire, mais de chaos organisé. C'est ça. Hein. Et donc, ce qui est très, et elle insiste dès les origines du totalitarisme là-dessus, c'est que ce qu'il y avait, ce que les gens devaient faire, ils le comprenaient implicitement. Ça, c'est terrifiant. Et là, on en revient à, oui, la structure en oignon, on ne voit pas le pouvoir, exactement, mais il est partout. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de la volonté du Führer qui se substitue à la loi, Hitler lui-même avait prononcé des phrases. On peut citer Hitler, ce qui est assez, là aussi assez terrifiant. Je le fais, je ne pensais pas que je le ferais un jour. Hitler a dit « L'État total doit ignorer toute différence entre la loi et l'éthique. Mmh. » C'est ce qu'on disait, la distinction entre la loi et la morale. Mmh. Ça veut bien dire qu'il n'y a aucune nécessité de rendre public les décrets. Et donc, absolument, c'est l'idée même de loi qui tombe. Absolument, ben c'est ça. Mais donc, si vous voulez, ça s'appelle. Alors, c'est là le pervertissement. C'est-à-dire que ça continue de s'appeler loi, mais ça n'est plus, absolument plus une loi. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui a remarqué ça chez Arendt, c'est Claude Lefort. Dans l'ouvrage qui s'appelle La complication, il rend hommage à Arendt parce qu'il dit qu'elle est l'une des seules qui a posé la question « Qu'en est-il de la loi dans l'univers totalitaire ?» Et il ajoute « Question de philosophe, a-t-on dit, souvent pour la discréditer, mais au plus proche de l'étonnement du premier venu, face à une société dans laquelle se déchaînent des violences d'une ampleur encore inconnue et qui cependant paraît livrée non pas à l'arbitraire, mais la mieux réglée qui soit. » Et alors, par rapport à Lord Cromer, justement, il y a des éléments que l'on va peut-être retrouver, mais Arendt dit très nettement dans l'impérialisme que c'est différent d'une bureaucratie totalitaire, parce que la bureaucratie totalitaire, dit-elle, a fait intrusion chez l'individu privé et dans sa vie intérieure avec une égale brutalité. Cette efficacité radicale a pour résultat de tuer la spontanéité intime du peuple soumis à son joug et de tuer en même temps toutes les activités sociales et politiques de ce peuple. Donc il y a bureaucratie et bureaucratie. Oui, c'est ça, mais ça veut dire, on dit qu'il y a plus... Alors là, si on revient dans ce qui est le mal nommé État totalitaire, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'État. Exactement. Ce que vous disiez, c'est ce qu'elle appelle l'informité. L'informité organisée ou quelque chose comme ça. C'est ça, mais le terme dit bien ce que, voilà, vous parliez de chaos, mais l'informité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est jamais figé. Alors je vous propose, puisque c'est vraiment en cohérence avec tout ce que vous venez de nous expliquer, d'entendre un dernier texte d'Anna Arendt qui vient du chapitre sur le totalitarisme au pouvoir, dans lequel elle reprend cette expression-là, et elle prend un exemple très clair, hein, celui de l'habitant du Troisième Reich hitlérien, pour voir comment est décrit ce rapport à l'État et à la loi dans l'État totalitaire. On ne devrait jamais oublier que seul un édifice peut avoir une structure, mais qu'un mouvement, à prendre le terme aussi sérieusement, aussi littéralement que le faisaient les nazis, ne peut avoir qu'une direction, et que toute espèce de structure légale ou gouvernementale ne peut être qu'un handicap pour un mouvement qui va se propageant à une vitesse croissante dans une direction déterminée. Même avant la prise du pouvoir, les mouvements totalitaires représentaient ces masses qui ne voulaient plus vivre dans aucune structure, quelle qu'en soit la nature. Des masses qui avaient entrepris de balayer les frontières légales et géographiques fermement définies par le gouvernement. À cette confusion géographique, on doit ajouter le fait que la relation d'origine entre pouvoir réel et pouvoir apparent se répétait partout, bien que d'une manière toujours changeante. L'habitant du Troisième Reich hitlérien ne vivait pas seulement sous les autorités simultanées et souvent en conflit des pouvoirs concurrents, tels que les administrations, le parti, les SA et les SS. Il ne pouvait jamais savoir avec certitude quelle autorité il était censé placer au-dessus de toutes les autres. il devait développer une sorte de sixième sens pour savoir, à un moment donné, à qui obéir et de qui se moquer. Vous nous avez donné, Martine Lebovici, les moyens, la capacité de comprendre entièrement ce texte, puisque finalement, ce texte résume, exprime de manière très claire ce que nous avons tenté d'expliquer au cours de cette émission. Il ne pouvait jamais savoir, l'habitant du Troisième Reich hitlérien, il ne pouvait jamais savoir avec certitude quelle autorité il était censé placer au-dessus de toutes les autres. Cet état, on l'a dit, c'est une espèce de ce n'est plus un état, c'est une informité du gouvernement totalitaire. Il y a un mouvement permanent, les termes sont très très forts. Que reste-t-il même de l'autorité? Alors le terme est employé, mais il n'y a plus d'autorité en fait, dans une organisation totalitaire. Voilà. Alors d'abord, peut-être on peut dire qu'effectivement, ce qui ressort des origines totalitarisme et qui est rarement mis en évidence, c'est qu'effectivement, on ne sait pas très bien comment nommer cette nouvelle forme de domination. Ça n'est plus à proprement parler un État. Et d'ailleurs, pour établir cela, Arendt s'appuie sur une citation de Carl Schmitt, mais pas du tout pour prononcer son éloge, mais au contraire parce qu'elle prend Carl Schmitt comme formulant très très exactement un trait caractéristique du totalitarisme. Elle écrit donc dans Les origines totalitaristes, elle dit « L'État totalitaire n'a d'État que d'apparence et comme l'écrit Carl Schmitt, je cite, le mouvement est l'État autant que le peuple et ni l'État actuel ni le présent peuple allemand ne saurait se concevoir sans le mouvement. » Alors bien sûr, elle ne se rend pas service quand elle cite Carl Schmitt, qui est tenu pour un auteur radical. Mais ce n'est pas parce qu'on cite un auteur précisément parce qu'il exemple amplifie ce que l'on veut dénoncer, que l'on adhère à ce qu'on cite. Je veux dire, là, il y a quand même... Parce qu'il y a polémique à ce sujet. Il y a polémique, mais je veux dire que, à mon avis, c'est une façon tout à fait erronée de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait une citation. C'est-à-dire que quand on cite un auteur dans une démonstration, c'est pas nécessairement qu'on est d'accord avec lui. On n'est pas obligé à chaque fois que l'on cite un auteur avec qui on n'est pas d'accord de souligner « Ah oui, mais je suis pas d'accord, Il faut réinscrire dans le contexte que vous dites, parce que c'est très important, c'est qu'on en a un peu parlé hier quand on parlait de l'antisémitisme. Arendt prend sa distance vis-à-vis du judaïsme. Arendt a une liaison avec Martin Heidegger. Arendt cite Carl Schmitt, ce qui est considéré comme autant d'éléments suffisants de la part de certains chercheurs aujourd'hui de considérer Hannah Arendt comme étant elle-même nazie, finalement. Oui, non, mais c'est ça le raccourci. Non, mais je veux dire, les gens qui écrivent sont des gens qui eux-mêmes ont écrit des livres de philosophie politique et ils savent ce que c'est que citer. Citer un auteur, ça ne veut pas dire en endosser, être d'accord avec. C'est ça qui est étrange. Et par ailleurs, sur la question de son rapport au judaïsme, c'est vrai que c'est un... Voilà, vous en avez parlé, je crois, hier. Ça serait un... Il y a beaucoup de malentendus liés à la pensée d'Arendt aujourd'hui, vous pensez? Oui, voilà. Je suis très frappée, mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Prenons par exemple le livre très important de David Cesarani, qui est la biographie d'Eichmann. Alors c'est un livre très extrêmement intéressant qui rentre dans un livre d'historien sur le parcours d'Eichmann, etc. Et il commence dans son introduction par dire alors je vais complètement m'opposer à Arendt et en particulier sur sa conception du totalitarisme. Alors je cite Cesarani, il écrit pour Arendt, alors d'après Cesarani, pour Arendt, l'Allemagne nazie est décrite comme un État moderne hautement centralisé, au sein duquel le pouvoir et l'autorité circulent de haut en bas et dans lequel les hauts fonctionnaires décidaient du sort de milliers d'individus. Or, nous venons de voir pendant une heure que c'est justement absolument pas ça qu'elle dit dans Les origines du totalitarisme. On vient de le voir pendant une heure et puis on peut continuer à le voir en lisant vos ouvrages, Martine Lebovici, que vous avez consacré à Arendt. Ils sont nombreux, dont une biographie aussi qui commence différemment que celle que vous venez de citer. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci de m'avoir invité. Ce matin, et donc lisez évidemment Les origines du totalitarisme dont on continuera à parler demain. On se quitte comme on a commencé avec 1984, Eurythmics Sex Crime, qui aurait dû être la chanson du film réalisé en 1984. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous faites part d'une expérience intime qui vous est arrivée hier. Oui, ça s'est passé hier soir dans mon lit. Attention. Oui, attention, non mais rien de grave, rien de grave. J'étais en train de lire un roman et d'un coup, je me suis vue en train de compter le nombre de pages qu'il me restait à lire. Alors ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, j'imagine en plus que c'est arrivé à pas mal de monde. Ce n'est pas un geste fou, ni un phénomène de société, c'est quelque chose de banal qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais pourquoi le fait-on quand même? Pourquoi calculer, chronométrer ce qui devrait relever de l'incantifiable plaisir de la lecture? C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer. Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici. Vous m'aimerez. Il faut que vous m'aimiez. Ça s'est donc passé hier soir, vers 22h30. J'étais en train de lire un roman de David Herbert Lawrence, l'auteur du bien connu L'amant de Lydie Shetterley. Coïncidence, Lawrence aurait eu 134 ans pile aujourd'hui. Mais 134 ans, c'est aussi le temps que m'a semblé durer son livre que je lisais donc hier soir. Ce livre, c'était La fille perdue, d'abord paru en 1920. Dans ce texte, on suit Alvina, héroïne typique du romancier qui annonce d'ailleurs Lydie Shetterley. Son cœur balance entre ses origines bourgeoises anglaises et l'appel des sens et de la passion pour un bel Italien décrit comme un animal sensuel. L'histoire est prenante, l'héroïne pas conventionnelle, l'écriture assez drôle, il y a beaucoup d'ironie dans ses portraits et de satire dans sa description de la province anglaise décadente. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Géraldine ? Tout a l'air de bien se passer jusque-là. Jusque-là, plutôt pas mal. Mais au bout de 200 pages, le livre en compte 537, j'ai commencé à trouver le temps long. Mais je me suis accrochée. Peut-être était-ce seulement un passage un peu moins palpitant du récit, ce qui peut arriver. Ou alors un coup de mou de Lawrence. J'étais persuadée de retrouver le plaisir des débuts. Mais non. Très vite, j'ai donc commencé à compter le nombre de pages qu'il me restait à lire, tout en continuant à lire. Et pourquoi ? Pourquoi me suis-je accrochée malgré tout ? Certains diront syndrome du bon élève, on finit ce qu'on a commencé. D'autres diront masochisme, d'accord. Mais je crois qu'il y a plus que l'explication de la bonne élève maso. Pourquoi vouloir finir à tout prix un livre qui pourtant nous ennuie. Je vivais dans la littérature et tout d'un coup, c'est peut-être parce que Lawrence a écrit si bien sur les sentiments de la femme, il a éveillé la femme en moi. L'Amérique très puritaine ne l'avait pas fait, la littérature anglaise ne l'avait pas fait, mais Lawrence, qui était justement un révolutionnaire dans ce sens, qui décrivait les sensations, l'instinct, l'intuition, m'a beaucoup frappée. Le premier texte publié de l'écrivaine Anaïs Nin portait justement sur Lawrence. On y retrouve ce qu'elle dit dans cette archive, le romancier est celui qui a éveillé la femme en elle. Ce qui, je dois le dire, n'est pas mon cas, vous l'aurez compris. Pourtant, finir le livre de Lawrence n'a pas été non plus une torture. En fait, je l'ai plutôt vu comme un long moment d'ennui. D'où ma question, pourquoi s'entêter à achever un livre qui n'est ni l'enfer, ni le paradis, mais un peu entre les deux, tiède, intéressant mais sans plus. Pourquoi ne pas décider de le refermer ou alors de s'y jeter à corps perdu? Je trouve que c'est une question en fait qui se pose plus souvent qu'on ne le pense. Elle se pose à chaque fois qu'on doit juger une œuvre d'art qui ne procure ni déception ni ravissement, ce qui arrive en fait régulièrement. Et ça, les théories de l'art en parlent peu. Elles parlent de beau ou de laid, d'agréable ou de dégoût, mais que faire de ce sentiment de médiocrité qu'on éprouve souvent en lisant ou alors face à un tableau ou un film ? Est-ce à nous, pauvres spectateurs de l'art, de nous mobiliser ou aux auteurs de se remettre eux-mêmes en question ? J'essaie de faire des livres que le lecteur ne lâche pas. Et c'est très difficile. Mon expérience, quand je lis surtout des livres de sciences humaines, c'est que je lâche très vite. Parce que j'ai le sentiment qu'on ne s'occupe pas de moi, qu'on ne crée pas des surprises, qu'on ne me fait pas rire. Et en permanence, je me pose la question de savoir comment faire pour que le lecteur ne s'en aille pas. On doit à Pierre Bayard, en plus de cette excellente remarque sur le suspense dans l'écriture, un excellent essai sur comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Eh bien, j'aimerais maintenant qu'il me dise comment parler des livres qu'on a lus, mais que l'on n'a ni aimé, ni détesté. Peut-être est-ce la faute des écrivains qui feraient bien de faire plus de livres que le lecteur ne lâche pas. Peut-être est-ce de la nôtre, lecteurs qui avons trop d'attentes. Nous voulons de l'intensité, une révélation, une phrase qui nous marquera à jamais. Écrivain ou lecteur, on attend en tout cas d'un livre qu'il marque. Mais que faire des autres livres, de tous ces livres qu'on a réduits à leur nombre de pages? Je lance donc un appel aux philosophes. Dites-nous que penser et quoi faire de ces œuvres sans qualité. Merci Géraldine d'attirer notre attention sur ce point qui, d'ailleurs, ça concerne aussi les films. Hein. On regarde un film et on se dit au bout de 30 minutes, il reste les encore une heure, musique. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est ça. L'ennui dans l'art. Exactement, c'est un bon sujet à traiter en philosophie. Bon, en attendant, on peut réécouter votre chronique, hein. On est sûr de ne pas s'ennuyer. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Morgane Danan. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur les origines du totalitarisme d'Anna Arendt. Demain, nous serons en compagnie de Vincent Lefebvre. On se demandera qui les droits de l'homme protègent-ils vraiment à la suite d'Arène, puisque c'est la fin du chapitre sur l'impérialisme dont nous avons parlé aujourd'hui. À demain 10h, d'ici là vous pouvez réécouter l'émission sur le site de France Culture ou bien la télécharger, la podcaster et nous poser des questions sur les réseaux sociaux.